Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux. Allez. Après une nuit, Bordeaux s'éveille. Le soleil n'était pas ferré. Et les gens dans son sommeil. C'est qui est temps pour chasser. Ce qui mène sans les honneurs. Pas mal, bâtissons de bonnes familles, amis rebondeurs de femmes, qui sont de tes meilleurs amis. Si ce nuage de fumée noire, Bordeaux plus noir, pour en prévoir. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. L'égoïste n'est pas crevé. Ce qui mène sang et honneur. Ce qui mène. Ce qui mène sang et honneur. La tension s'est installée. Un soupape de bordelais. Pourquoi est-ce que tu vas prêcher? Quand mon choix tu fais passer. Tout ce nuage la fumée noire, Bordeaux plus noir, pour notre gloire. Tu vas essayer, dès que c'était pervers.